start that things fall apart. Intent to shatter, she like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Another lonely night, seem like I'm on the side. You only loving your mic. I know you gotta get that paper, daddy. Keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City. She said she know this ball player. And he think I'm pretty. Psych, I'm playing, boo. You know it's just what you want staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt. That rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the fool. Black, if something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they hold world ends. Lies come in, that's where the drama begins. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. Skyrock Classics. 18h-20h sur Skyrock. Pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni où tu te crois

track. Real tightly rolled, buck them all, that's how I feel. Made a cool half mil before I had a record deal. Therefore, you looking still like it's magic. But too much of anything can make you an addict. Whenever it's time for static, break out the automatic. I set it all straight, I spread hate, then I vacate. But wait, who dares to cross this path? Exhibit built to last. Cut slash, make a bloodbath. So on behalf of all the players I get drunk with, smoking blunts with, I dispose of your pump. Yes, and keep it all in perspective. Carbon copies, getting caught up in the paparazzi. Once again, it's the liquidation crew. And I return for you like this. It's a shame, you only in a rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in a rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in a rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. C'est Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h uniquement sur Skyrock. Avec Exhibit à l'instant, Paparazzi, c'est ce qu'on écoutait avec plein de sons qui va passer entre 18 et 20. On se met les meilleurs classiques de Skyrock. Tequila Sunrise, Cypress Hill qui arrive tout de suite. Et vos messages, ça réagit dans tous les champs, c'est avec le hashtag Skyrock Classics. Skyrock Classics, la meilleure émission le dimanche. C'est Laura Mia qui nous dit ça, il y a aussi Cédric Olympien qui est connecté. Merci à Skyrock FM pour ce magnifique moment de classique. Et attention, vous n'êtes pas prêts, on vous passe ça. Pour tous ceux qui sont en voiture, TDSI, ROF. Espoir, ambition, sur un bon son, cherche pas le hit, on veut tout prendre, on se faire prendre. On aime comme dans hit. Vous êtes sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock premier sur les classiques tous les dimanches. 18h-20h et soyez connectés dans le morning la semaine prochaine, il y a tout ça qu'on vous offre. L'un d'entre vous repart avec la totale des cadeaux du morning. Écoute. Skyrock Classics. Hola salud. Hola salud. Primero yo. Down for my barrio and to make fame. Yeah, the hill cartel taking over your area. Making mad gas so down in Mexico where the sun burns hot and it goes down slow. Got my clientele so everything's well. Gotta be in the mountains with the big Spanish bell. And let it be known that I'm down for the tranza. The brown Robin Hood looking out for the raza. See me in my ram flying straight bala proof. A conquistador conquering all the loot. Try to pull a swoop and I got my soldados. The soul asesinos vienen preparados. The rap desperados with the foot on the throttle. You know what we say, make the money is the motto. Get the cash, make the dash, call up my hermano. We all get drunk down in the Recusano. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, money. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, money, money. Everybody shook up running for cover. The big bad wolf undercover. He was like a father figure. Showed me the bigger picture. Never slanging on the corner. Don't let the pigs get ya. Not like these fools who don't comprehend. Who end up doing a 25 bit in the pen. You got that? He gave me a cup. I took a swig. The bitter taste of the mascal green worm. Dropping a lesson. He slapped my face. He said, listen, pay attention, brother. You're my ace. But don't ever question. Just do what I say and you'll be rich. And keep this in your mind. Rats lay in a ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. They all know your name, it's like fame. Wild women and money don't mix. Like drinking and driving, watch those conniving women. And keep your eye out, always be aware of what's around you. They wanna down you so they can climb you. Keep your shit under the money, won't stop. Pretty soon you'll be on top. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, little brother, while you burn. You discover better kill me, don't let me return. It's over the trust, no man. Cause I'll be back, you understand. With the plan in my ace in hand, I want it all. I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it. Don't let it get to your head, embed it. Let these words stick, you better be ready to die. Now take a big sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money.

be the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, a way down to Japan. I'm a real producer and you just a piano man. Your song don't top the charts, I heard them, I'm not a fan. Talking greasy, I'm the one that gave them they chance. Somebody need to tell them that they can't do it like I can. Everybody on my shit, it don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be over, not at least until we say. Dimanche 18h-20h, on est bien tous ensemble avec Skyrock Classics, Nelly Furtado sur le son de Timbaland, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Give it to me, il y a plein de gens qui nous écoutent, il y a par exemple Jules et Sophie dans la voiture de retour de Normandie à l'écoute de l'émission. On va sur un inédit maintenant, un titre qui n'est jamais passé dans Skyrock Classics depuis sa création le 7 février. C'est Expression Direct, on va filer sur leur premier album, l'album s'appelait Le Bout du Monde, c'est un groupe de rap de Mantes-la-Jolie. Expression Direct en featuring avec Big Dread, c'est ce qu'on écoute maintenant, 7-8, 78. Et Lil Wayne juste après, c'est Lollipop sur Skyrock Classics, 18h. 20h tous les dimanches. Bazin, bazin, bazin, bazin. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang renaît et tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que Mantes-la-Jolie c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, pas point de train. Débarquement de Mantes-la-Jolie en provenance du Val-Fouré. Quiconque meurt dit qu'on vient de Paris, je m'occupe de lui et de sa Romée. À 60 km à l'ouest de la capitale, je prépare une attaque bestiale emmenée par les crèves, la dalle. Pédale, pédale, expression directe s'installe. L'invasion est brutale, mon action directement radicale. Voici les conséquences 1 de ta non-assistance à personne dangereuse. Je te pète comme une donneuse, ne fais pas la suceuse, allumeuse. Dégage, bois, épiceuse si tu veux ma tête. Cœur crac, expression directe. Retourne pas ta veste, désormais c'est moi qui te pète. C'est moi qui te pète. À l'heure du clash, je pénètre comme un chasse dans la chair. La chasse est ouverte, compte et perte dans mon temps de guerre. Dans ma localité, perle des banalités. La brutalité, explication de la survie par rapport aux autres. Sans prétention, carrément différent des quartiers unifiés pour tout baiser. Quand y'a parlé, c'est pas oublié, je vais te caler. Tu devais planer, jouer les gros bonnets avec ton cabriolet. Regarde maintenant la brûlée, demande de l'aide, tu peux hurler. T'es pas un mec d'ici, donc va te faire enculer. Te termine comme la famine que tu es. Quoi, tu traînes encore ici, c'est un putain de délai. Tu balais demain. Bazin, c'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang enivré, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que Mantes-la-Jolie c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Bazin, c'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang enivré, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que Mantes-la-Jolie c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Si tu sais pas comment faire, pour me faire taire, il faudra nous tuer tous. Je représente pour mes frères si tu préfères. Faire la meuf, mérite mes affaires. Casse-toi, prends tes affaires ou reste là, on va te la faire, on te la mise. Pas de remise, authentique et mon bis. C'est pour ça que j'exige que tu gises, moi. Crapule, on te la mise. Pas de remise, authentique et mon bis. C'est pour ça que j'exige que tu gises, moi. Crapule, on te la mise. Capiche, peu importe si tu t'en fiches. Pendant que tu fais le marqueur, la caille, nous on nous fiche. À croire qu'un jour aux petites biches, on va venir chez moi. Sortir de chez moi, prisonnier politique, me l'envoie. J'ai comme la pression, l'expression a mis la pression à son. La juste transforme d'une succession de peines et de tensions. Une association plédien, d'ex-plédia, de vulgardiens de chacun dans l'immédiat. Même face aux médias, on mène la guérilla. Fais ton Ave Maria, car chez tout comme la Célia. Continue ton cirque de bête. Toi et tes deux pots et tous bidons à souhait. Va comment Woody le nec, Subaru fait. La intelligence noire aux yeux bleus sans faire d'excès. Vite fait, toi-même tu sais qui te chlassait quand tu rivassais dans tes douveurs. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang renaigre et tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le volume, on peut prendre le temps des seins. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang renaigre et tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le volume, on peut prendre le temps des seins. C'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton esprit que je crache mon venin. C'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton, c'est dans ton esprit que je crache mon. J'ai un moyen d'expression direct, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, c'est celui qu'elle gagne. Peut-être est un moyen d'expression direct, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, c'est celui qu'elle gagne. Peut-être est un moyen d'expression direct, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, c'est celui qu'elle gagne. Peut-être est un moyen d'expression direct, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, c'est celui qu'elle gagne. Peut-être est un moyen d'expression direct. 18h-20h, Skyrock Classics. I say, lollipop. She said, lollipop. Bottles in the club. Shawty wanna hug. Know I like to touch. When it's wrong, like mine. Man, she never had a look like mine. But man, I ain't never seen her like her. That in my mouth had me lost for words. So I told her back it up like purp, purp. And I made that I like that. Gotta sing like a lot of pop. Shawty pop. Shawty pop. She went, can't get. But shout it, I'ma hit it like I can't miss. And you can't do this, yeah, don't do that. Shout it, need a refund, need to bring that nigga back. Just like a refund, I make her bring that air back. And she bring that air back. Because I like that. Classics, Classics, KLA 2 SIKS. 5, 4, 3, 2, 1, demain des bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mêlé, millénaire, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mêlé, y'en a pour les jeunes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les vieux, pour les hommes, pour les hommes, pour les femmes, pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne. Carme pour les forts, pour les forts, pour les faits, pour les faits. Pas de changement dans les règles, juste un décompte bidon, personne de fou aux illusions. Ce soir c'est Kissman, j'ai trouvé un costard 3 pièces. Ça fait connerie les potes, tout à l'heure ça faisait frais, mais là, ivresse. Ma maîtresse me tape les mêmes faces que le week-end dernier. Et toi tu viens là me demander si ça a changé, ouais, c'est ça. Santé, éclate-toi. Contradictoire d'un point de vue net. Bayonne tes poumons, ton foie, on est là. Santé, je t'aime, merci d'être là. L'année va être chargée, faut que je laisse du neuf à la famille. J'avoue que je suis rabat-joie, mais putain, je pose un abat-jour. Si t'as une idée du genre, et si on s'aimait pour

together for L Boogie from the refugee camp. You know how we do. Wyclef Roswell, my man Little Bass, Jerry one time. This is how we Skyrock Classics. Come on. We could make you delirious. You should have a healthy fear of us. Cause too much of us is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My flip mode squad is dangerous. So dangerous, we so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Talk wild to all of my niggas who don't care. Blow us like a bunch of young black millionaires. Making you run, me and my dun stacking my one. Blow us a little, invest up in a mutual fund. Blowing the horn, a sense of every day I was born. Never dream I see a nigga landscaping my lawn. Dangerous, my nigga should be accurate. Have to get the flow be so immaculate. Ayo, watching my dough, sipping my mo. Sipping it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go ahead and display your olive ole. Little honey dip whipping a little cabriolet. I don't mean to hold you up, but I got something to say. Swear to only give you hot shit every day. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Dangerous. Serious. We could make you delirious. We're so dangerous. So dangerous, we so dangerous. My flip mode squad is dangerous. So dangerous, we so dangerous. We swinging it from right to left. With the Wyclef, nigga should be hot to death. Staying alive, you're not only the strongest survive. Holding my heat, under my seat, whipping the fire. Baseline for all of my people moving around. Give me your pound, all of my niggas holding it down. Cutting you up, the new shit, rocking you up, fucking you up. My black hole, sucking you up. Back in the days, a nigga used to be ass out. Now a nigga holding several money market accounts. Leave the street, and then I would just like to announce. Feeling my groove, my jigga-jigga, making you bounce. Others is fed, me and my niggas breaking the bread. Stay getting it, we got you niggas holding your head. Afraid of us, you know this ain't a game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Dangerous, dangerous. We're so dangerous. We're so dangerous. Rockin' the beat, step up in the club, take me to my reserve seat. Coming around, all of my niggas around me. So much bottles of liquor, y'all niggas to drown me. Making you drunk, feeling the funk, blazing the skunk. Stay hitting with the shit that blow a hole in your trunk. Afraid of us, you know this ain't the game to us. You strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. Dangerous. Serious. We could make it delirious. Un bon moment tous ensemble tous les dimanches 18h-20h, les meilleurs classiques de Skyrock, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de votre radio, celle que vous écoutez tout le temps, la première radio urbaine mondiale, Skyrock bien sûr. Busta Rhymes à l'instant, c'était Dangerous à 19h02. Skyrock Classic se poursuit jusqu'à 20h avec le hashtag Skyrock Classic, SKLA2SIKS, pour réagir sur les réseaux sociaux si l'émission vous plaît. On écoute un extrait du premier album solo d'Akhenaton, Dayam. L'album s'appelait Metek et Mat, il est sorti en 95. La FF est sur le titre aussi, un des sons rap français les plus diffusés dans l'histoire de Skyrock. C'est les Bad Boys de Marseille à écoutez juste après Will Smith Miami et Snoop Dogg que voici avec Wiz Khalifa, c'est Young Wild and Free. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild. Keep that in there. And free. So what? I keep them

the queen bee. It's ladies night, what? It must be Angie on the mic. The butter pea, honey, got the sugar, got the spice. Roll the L's tight, keep the rhymes right. Yo, I just made this motherfucker up last night. And I'm the rookie on this all-star team. Me and Kim is getting cream, like Thelma and Louise, but on chrome. Never leave that Brooklyn shit alone. So if you say it's on, then it's on. Bang this in your whips. Pack them Coda Rody with the chips in the wrist. Here's a French kiss. I've dismissed all you chicks. Spit six from the fourth, fifth. Make it dance. Ow! I stay focused in the dopest. Like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless and topless. I ain't lying. Niggas trying to knock me off. Keep trying. All it takes is one phone call to my street team. Promote that ass like a soundtrack, you jack. Sit it, send it off with the 850. Y'all missing the buck with the fuck bump. Biggie in the truck, in the buck to my double bitches. Let me see you do the bank head if you're riches. It's the rap, made West, the QB. And I got all my sisters with me. Lay that ass flat. I be the one choking your paragraphs with laughs. Get you back up on the right path. Ain't no stopping me, ladies, from club popping. Kiss my rock horn. From flavors to frozen at Paradise June. Booty shaking with the glass in my left one. Right hand saying stepson. To me, my girls is fancy fly bitches. To my niggas, straight snitches. And to them other chicos, Lady Pimp ain't having that shit. If you ain't got the cash to stare, suck my dick hoes. Strictly your bell ringer. Lay another finger on this big bad wolf, Miss Lady Rap Singer. I be the one to blame as the flames keep rising to the top. And it don't stop. Notice the dopest bitches approaching with good intentions, but focusing on their riches. If it's too hot, then get the fuck up out the kitchen. Niggas dick stay lifted when they thinking of me, cause the rhythm I kick, cause them like a rhythm fatigue. Filling them with snuggles off the 9 milli super clip. Bitches plus, we just keep kicking up dust. And you can spread rumors, shit is making me sick of the head tumors. You and me about hugging me, saying you loving me. Bet your phony niggas be bugging. I can tell cause the thug give me more to sell drugs and push me. Need to get me more with these BBs and then free. Smoke weed from overseas, pimp diced out rollies. Fuck the police, keep my wallet on peace. Who the Windy City woman still coming and gunning straight from the shot. Tonight, tonight for all the ladies, let's get high. Something on this track now. You ain't gonna use me to just be singing hooks. What I look like? Patti LaBelle or somebody, nigga? Take it out. Yeah. Oh, what a night. You should be like Miss instead of being like Mike. I like to ride ponies instead of riding bikes. Me and Lil' Kim got the rhymes to his sight. I gotta catch a flight. Round three-ish. Niggas can't see us from Electra to Aeneas. Niggas wanna feel us. I'm out. Lil Kim, Not Tonight dans Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches, on est bien, on passe un bon moment tous ensemble pour bien terminer la semaine, pour attaquer une nouvelle semaine de taf, pour bien attaquer les vacances aussi pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Et tiens, pour ceux qui vont prendre des vacances, ça veut dire aussi grasse matinée, mais non, j'ai une bonne raison de vous faire lever la semaine prochaine. Entre 6h et 9h, Vincent sera là pour vous mixer les meilleurs moments du morning de Difool. C'est le super morning avec attention la totale des cadeaux du morning à gratter. L'un d'entre vous va repartir avec tous les cadeaux du morning d'un coup comme ça. Ça se passe avec un chèque de 1500 euros, ça se passe aussi avec la PS4 Slim, la toute dernière, l'iPhone 7 de chez Apple, un écran plat, une télé, c'est aussi le jeu FIFA 17, NBA 17 aussi, et vos places pour aller voir Drake. Tout ça à gagner pour l'un d'entre vous. Soyez bien à l'écoute demain matin entre 6h et 9h. Il y aura un mot de passe à noter par jour. Écoutez bien Vincent, il vous explique comment repartir avec la totale des cadeaux du morning. 6h et 9h la semaine prochaine, soyez là. Yeah, yeah, yeah.

C'est Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques. Chaque dimanche entre 18h et 20h pour bien terminer le week-end ou pour bien attaquer la semaine. On vous détend avec 2 heures de son 100% classique. C'était le dernier son de l'émission This is why I'm hot en version Skyrock. Mims, à l'instant, à 20h04. On est un peu la bourre, désolé, les États-Unis ils sont pas trop, ça va? C'est pas grave, écoute, ça nous a permis de réécouter un ex numéro 1 du hit d'ailleurs. C'était Mims, le rappeur de Washington qui était numéro 1 du hit. C'était en 2007. Voilà. Et bah voilà, ça marche. Écoute, la transition est toute faite. Nouvelle émission, nouveau classement maintenant. C'est parti, qui est numéro 1 du hit en 2016? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bonne question, à suivre avant 21h sur Skyrock. Allez, c'est parti, ciao Maxime. Ciao, ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles.